dans ce pays qui n'était pas le tien. Tu naviguais à vue sans espoir de retour, le flingot bien calé dans le creux de tes reins. Tu avais peur de ton ombre, des flics et des vautours, perdu dans ce pays qui n'était pas le tien. Chasser de ta tête cet impossible rêve, c'est une paix retrouvée loin des blessures de guerre, dans cet endroit paumé très très loin de la grève. Tu vivais dans l'espoir de ce bonheur précaire, perdu dans ce pays qui n'était pas le tien. Le jugeant ton absence te balance en enferme. C'est la voix du baveux qui t'annonce la sentence. Tu n'iras plus au ch'tard, la justice est en berne. En cavale comme un rat, t'assumes ta transhumance, perdu dans ce pays qui n'était pas le tien. Très loin du soleil, à deux pas de la nuit, dans ce monde oublié, tu comptes tes erreurs. Tu as cogné sur ce cave qui en voulait à ta vie, mais tu cognes trop fort, tu plantes l'agresseur, perdu dans ce pays qui n'était pas le tien. Luciano n'aura paumé qu'un œil. Quant à toi, tu vas bien, sauf les blessures du cœur. Ton passé t'a plombé sans compter ta sale gueule. Dans ce monde barbare, tu domines tes peurs, perdu dans ce pays qui n'était pas le tien. Perdu dans ce pays qui n'était pas le tien. Tu naviguais à vue sans espoir de retour, le flingot bien calé dans le creux de tes reins. Tu avais peur de ton ombre, des flics et des vautours, perdu dans ce pays qui n'était pas le tien.